Plus un bruit, plus un stream, mais l'arrière-goût reste comme un vieux spleen. J'ai tout donné devant l'écran, mais c'est après que ça cogne vraiment. Chaque instant, chaque regard, chaque pseudo qui se pose dans le noir. C'était pas juste où, c'était plus grand. C'était mon cri et vos battements. Sauf Pianucho. Breath control, soft pianoto. Après le feu, le silence est roi. Mais j'ai vos ombres encore dans la voix. Je gratte des vérités, je parle tout bas. C'est plus du stream. C'est moi. Y'a pas de scène ici, pas de lumière, juste un reflet dans ma bière. Mais je me sens pas seul, je suis relié à tous ceux qu'on décidé de rester. Rider's Kill, c'est pas qu'un blaze, c'est un refuge quand tout s'écrase. Et cette gratte, c'est mon retour à le vrai. Quand je me tais, c'est là que je suis con. String rêvements, l'homme le string rêve, c'est moi. Après le feu, le calme tient, mais vos prénoms brûlent dans mes. Joue pas pour les foules, joue pour les miens. Même Orlin, celui-là, c'est certain. L'ombre, whisper, merci, l'ombre, whisper, merci. The writer's kill. Pas le streamer. Juste l'homme.